Chapitre 31e. J'emprunte à mon journal ce qui suit. Mercredi 28. Je suis assis à l'ombre d'une palissade. Il fait très chaud. Je suis furieux. Je me suis levé à 3 heures et après avoir rangé tous mes paquets, je suis arrivé près de mon canot. Polycarpe, aidé d'un petit nègre, avait attaché un pieu de singe destiné à être mes compagnons de voyage. Mais les deux Indiens qui devaient m'accompagner n'avaient point paru. Ces hommes étaient venus depuis quelques mois se présenter et demander du travail. On me les avait confiés, ainsi qu'un garde national, à la condition que la grande excursion que j'allais faire sur le Madeira terminée, je les ramènerais sur l'Amazone et que je paierais leur passage pour retourner à Manaus. 5 heures du soir. Me voilà de nouveau à la même place, un peu plus furieux que le matin. On a découvert le garde dans un coin obscur de sa hutte, mais tellement ivre qu'il est impossible d'en tirer une parole. Je me serais volontiers passé de garde. On m'a fait observer que ce n'était pas prudent. Il me fallait un homme qui fît obéir les autres. Il est près de 6 heures. Je suis de nouveau assis à la même place que ce matin. Je vais passer la nuit là. Polycarpe n'a exprimé aucun ennui. Son affreuse figure est restée impassible. Il a passé sa journée étendue dans le canot. On trouve au fond d'un bateau mes deux rameurs complètement gris, et la figure barbouillée d'un limon vert produit par l'humidité de l'eau. Il eût été impossible de les éveiller, plus encore de les emmener. Nous les laissons dormir. Enfin, au point du jour, je fais tout de bon mes adieux à Manaus, car on a trouvé un des ivrognes debout, et l'on a emporté l'autre à bord. Comme nous n'avons qu'à descendre, on peut se passer du dernier, du moins quant à présent. Une fois parti, je m'occupais de mes effets. Monsieur le garde avait trouvé commode de se coucher, lui, sous ma petite tonnelle. Il s'était arrangé avec soin dans ce réduit, à peine assez grand pour me contenir moi et quelques objets indispensables. Il avait d'abord parfaitement installé son shako, son fusil, sa baïonnette et son sabre. Si j'avais trouvé que ma fameuse carabine des chasseurs d'Orléans était lourde, c'était avant d'avoir pesé ce fusil de forme ancienne. Le garde prévoyant, dans la crainte sans doute d'un malheur, avait mis à sa batterie, à la place d'une pierre à fusil, un morceau de bois entouré de coton. Le reste du costume, ne lui ayant pas paru nécessaire, il l'avait laissé à la maison. Quand j'irai en visite, je me ferai suivre, ce sera d'un bon effet. Je priai ce garde sans façon de me céder la place et je commençai mon installation. Sur ma tonnelle, j'avais placé de chaque côté mes deux singes. C'était une espèce bien intéressante. Je nommai le mâle Rio Negro et la femelle Amazone. Jamais je ne les avais vus mordre, et tout ce que je leur offrais, ils le prenaient avec la queue. Leur pelage était exactement celui des souris. Le bout de la queue était un doigt, dénué de poils. Je les avais attachés de chaque côté très près de l'eau pour 2 raisons. La première, afin de leur donner la facilité de boire à leur gré, et l'autre, purement personnelle, pour me mettre à l'abri de leurs faits et gestes. Je plaçai sur mon petit parquet de palmiste une natte. Elle tenait toute l'étendue de mon réduit. Je mis à ma droite, sur la longueur, une caisse étroite et plate qui avait contenu des fusils venant d'Europe. Dans cette caisse, que je devais à la munificence d'un brave Portugais venant de Santa Cruz, j'avais placé tous mes flacons pour la photographie, bien assujettis avec de la paille. J'avais joint ceux contenant mes provisions de beurre et d'huile. Il ne s'agissait que de ne pas se tromper. Dans un compartiment à portée de ma main droite, j'avais placé mes albums de papier à emballage, mes crayons, mon canif et mes lunettes. Dans un autre, les outils pour disséquer et empailler, de l'argent en grosse monnaie de cuivre, ma poudre, mon plomb et mes capsules. Et comme je jouissais d'une caisse à savon, j'y plaçais mes provisions de bouche et ma calebasse pour puiser de l'eau. Au milieu de cette caisse, le fromage de Hollande jouait le principal rôle. À côté, le chocolat bien enfermé dans ses enveloppes de papier, des citrons et des biscuits. Je pouvais rester assis quand cela me convenait. Mes jambes avaient ainsi que mes pieds la jouissance d'être presque toujours dans l'eau. Le canot avait besoin d'être calfaté, mais dans ce pays voisin de l'Équateur, ce n'était qu'un détail. Je pouvais mettre sous mes pieds au besoin un objet élevé. Ce n'était pas la peine de s'occuper de si peu de choses. Les rameurs avaient arrangé une place sur l'avant où ils se tenaient. Le garde était sur la natte. Polycarpe, à l'arrière, s'était fait un lit de branches de palmier. Ainsi donc, j'étais sur l'eau, à la merci de mes guides. C'était assez imprudent. Ils pouvaient maintenant disposer de moi à leur guise. S'il m'arrivait malheur, je devais m'en prendre à moi seul. Aparia m'avait conseillé ce voyage, mais je dois dire que personne à Manaos n'avait fait de même, bien au contraire. Et si, par suite de mes goûts de solitude, j'ai fait de légères critiques sur des habitudes qui n'étaient pas les miennes, je n'ai pas oublié la bienveillance dont plusieurs personnes m'ont donné des preuves en s'opposant presque à ce départ dont l'issue leur paraissait douteuse. Ces personnes me disaient que rien n'est moins certain que les promesses des Indiens. Je le savais. Elles me faisaient craindre d'être abandonné là où le retour serait impossible. Je l'ai éprouvé plus tard. Monsieur le chef de police avait été assez bon pour me donner des lettres pour le cas où je reviendrais dans des lieux habités. Le bon monsieur O me fit un itinéraire jusqu'à une certaine limite. Je devais, de Manaus sur le Rio Negro, rentrer dans les eaux de l'Amazone et plus loin, franchir l'embouchure du Rio Madeira et remonter jusqu'à un endroit nommé Canoma. Le reste devenait incertain. Je voulais voir des Indiens à l'état de nature. Il fallait remonter tant que je le pourrais. J'allais bien cette fois à l'inconnu. Pendant les premières heures, un seul rameur travailla. L'autre cuvait sa cachassa au fond du canot. Le garde avait quitté sa chemise et faisait la lessive. Le soleil était chaud. Il avait pris son chapeau. Polycarpe tenait la barre et dormait. Je songeais alors à mettre en pratique un petit système d'intimidation. Après avoir nettoyé scrupuleusement un certain petit instrument inconnu des Indiens, j'y plaçai quatre capsules et avec la plus grande délicatesse, sans avoir l'air d'y toucher, je fis éclater les quatre amorces presque instantanément. Mes hommes, auxquels je n'avais pas l'air de songer, ne cachèrent pas leur étonnement. Les pagaies cessèrent de fonctionner, le garde enfonça son shako, l'ivrogne et Polycarpe s'éveillèrent. Je recommençai ma manœuvre, mais cette fois je dévissai promptement avec un des bras de mon moule à balles les quatre canons et j'y glissai quatre balles qui parurent sortir de la poche de mon pantalon, quoiqu'elles fussent effectivement dans un sac que je n'avais pas montré et pour cause. J'avais préféré leur faire croire que j'en avais toujours sur moi une provision. Pendant cette seconde opération, les Indiens, si peu démonstratifs qu'on ne les voit jamais rire ni pleurer, les Indiens, sur la figure desquels on ne peut voir aucune expression bonne ou mauvaise, faisaient, dans la personne des miens, une exception remarquable à la règle. Ils avaient tout à fait cessé de ramer, de laver, de dormir pour voir jusqu'au bout ce que j'allais faire de cet instrument, qui, par sa petitesse, ne paraissait pas devoir être autre chose qu'un joujou. Polycarpe avait déjà dû leur dire ce qu'il pensait de moi. Je raconterai plus tard comment j'ai appris les services qu'ils me rendaient et ce que je pouvais en espérer pour ma sécurité. J'avais, en me plaçant dans une situation dangereuse, le besoin d'inspirer, sinon l'affection, cela se trouve quelquefois chez les nègres, jamais chez les Indiens, du moins la crainte. Je fis retirer du canot une énorme planche épaisse de 2 pouces qui servait à supporter la plus grosse de mes caisses et à lui éviter le contact de l'eau dont nous étions déjà incommodés. Cette planche, fixée le long du bord, je commençai mes expériences par la percer d'outre en outre avec mes 4 balles. Ce jeu ne parut pas plaire à mes compagnons. Cependant, comme il s'agissait de leur donner une excellente opinion de mon adresse, je ne le cessais qu'après avoir fait un très gros trou à cette planche en bois de fer. J'avais une toute petite chaînette en acier. Je l'ajustais à l'objet inconnu et me la passais au cou, ainsi qu'on le fait d'une chaîne de montre. Celle-ci était plus longue et descendait jusqu'à l'une des poches de mon pantalon. Puis, toutes mes précautions prises, des balles placées également dans mon autre poche-pont fusil, je donnais gracieusement un verre de cachaça à mes camarades. Le verre bu et remis en place, je prononçai d'une voix formidable « Vamos !» et les pagaies fendirent les eaux de l'Amazone. Nous venions de quitter le Rio Negro.